Le serment de Lady Adélaïde par Mrs. Henry Wood. Tome 1er, chapitre 1er, Harry Dane. Sur l'une des parties les plus sauvages des côtes de l'Angleterre, à 100 ou 200 000 de la métropole, se trouve une petite ville, ou plutôt un village appelé Danesheld. De chaque côté de ce village, le terrain se dresse escarpé, plus élevé en de certains endroits que dans d'autres, mais dominant toujours la mer. Çà et là, les rochers sont entièrement à pic, mais de distance en distance, les falaises descendent en pente douce jusqu'à la mer, et l'on peut sans danger s'y aventurer. Là, le temps semble avoir eu raison de la dureté des rochers. Les versants de la montagne sont couverts de gazon, il y pousse même des fleurs sauvages. De temps immémorial, les Danes sont seigneurs de ce pays auquel ils ont donné leur nom. À droite du village, en face de la mer, les terres sont arides, incultes et complètement abandonnées. À gauche, dans la direction de l'est, sont disséminées quelques maisons d'une certaine importance, dont deux ou trois charmantes demeures, et par derrière s'étend une véritable colonie de pauvres cottages et de huttes de pêcheurs, plus anciennement bâties que les maisons, plus anciens même que le village. Toutes ces maisons regardent la mer, et quelques-unes bordent la grande route, que des plaines verdoyantes et des collines boisées séparent des rochers. Encore plus à l'est, à 1 000 environ de distance du village, s'élèvent les superbes tours du château des Danes. Le château, bâti plus en longueur qu'en hauteur, en pierre rouge noircie par le temps, est flanqué à chacune de ses extrémités d'une tour élevée, et au milieu, la grande porte d'entrée est surmontée d'une tourelle carrée, où flotte toujours un drapeau quand le chef de la famille, Lord Dane, séjourne dans ses domaines. Comme dans toutes les habitations du village, le château fait face à la mer. Il n'est séparé de la grande route que par une étroite pelouse, sans haies ni murs de clôture. Au-delà de la route, de beaux pâturages s'étendent jusqu'aux falaises, sur un espace d'environ 1/4 de mille. En face de l'une des extrémités du château, et tout près du sommet des rochers, se trouvent les ruines d'une vieille construction qui, dans les temps reculés, servait de chapelle aux moines. Les murs encore debout, les fenêtres béantes, démantelées, sans vitres, sont recouverts d'un lierre épais qui s'enchevêtre dans les arceaux et les baies. On voit encore à l'intérieur les traces de l'autel et des pierres sépulcrales avec leurs anciennes inscriptions. Tout cela est à ciel ouvert. Le toit n'existe plus. Rien de plus pittoresque que ces ruines, surtout à la clarté de la lune. Les rochers sont en cet endroit tout à fait perpendiculaires, quoique peu élevés. À une certaine distance, ils s'abaissent sensiblement, et des marches grossièrement taillées dans le roc conduisent à la plage. Les jeunes Danes, les deux fils du lord actuel, se servaient souvent dans leur enfance de cet escalier pour aller à leur bateau à l'ancre au pied des falaises. Derrière le château est un jardin, si ce nom n'est pas trop ambitieux, car les fruits et les fleurs ne semblent pas y pousser à profusion, et derrière ce jardin, un terrain cultivé, descendant jusqu'au village, pâturage et terre labourée, maisons de fermiers entourées de meules et de granges. Tout cela, ou presque tout, appartient à Lord Dane. Village, maison, terre, tous les habitants lui payent redevance. C'était par une belle journée de printemps. Sur une barrière, près d'un champ de luzerne, pouvant apercevoir de là les fenêtres du château du côté de Danesheld, aussi bien que la grande route et les plaines au-delà, était assis un gentleman occupé à raccommoder sa ligne de pêche. Il paraissait âgé de 28 ans environ, grand, mince, avec des yeux noirs, de bonne tournure, quoique un peu maigre et émacié. Il avait rejeté derrière ses épaules sa veste de chasse, car la chaleur était réellement accablante, et il sifflait doucement en arrangeant sa ligne. Il leva les yeux en entendant un bruit de pas et vit s'avancer vers lui, venant du village, un homme entre deux âges, un étranger, qu'à son costume, il reconnut pour un officier de marine. Au moment où l'étranger passait devant la barrière, il souleva sa casquette vernie. Était-ce par politesse ou simplement pour s'essuyer le front de son mouchoir? Le geste n'était pas assez significatif pour qu'on ne pût s'y tromper. « Est-ce là le château de Dane ?» demanda l'étranger. « Oui. » « C'est bien ce que je pensais, » se dit à demi-voix le marin. « La famille est-elle au château en ce moment ?» Le jeune homme montra du bout de sa ligne le drapeau. « En voilà la preuve. Quand sa seigneurie Lord Dane est au château, le drapeau flotte à la tour. Pendant son absence, on le fait disparaître. Pourquoi ? Le jeune homme haussa les épaules. Sa manière de parler était dolente. Il y avait dans son ton comme une sorte d'indifférence et de moquerie, non pas de moquerie à l'égard de l'étranger, mais des Dane dont il parlait. « Parce que c'est l'ancienne coutume de ces châtelains, voilà tout. Ils en ont quelques-unes qui ne manquent pas d'une certaine gaieté. Ces rouleaux de papier et ces croix que vous voyez sur le drapeau sont les armes des Dane. Les deux fils sont-ils au château ? Pardonnez-moi ces questions. Je me suis lié avec l'un d'eux à l'étranger il y a quelques années. » « Le plus jeune est ici, l'ex-capitaine, » répondit le jeune homme du même ton tranquille, comme si répondre aux questions sur la famille Dane n'avait pas plus d'importance pour lui que de raccommoder sa ligne de pêche. Le fils aîné, l'héritier, est à Paris. C'est un viveur, et la vie de Paris lui convient. Est-ce que les deux frères sont encore brouillés ? Oui, et ils le seront toujours. Des questions d'intérêt, n'est-ce pas ? Des discussions ? Mauvais caractère, aucune discussion. Il y aurait discussion si cela pouvait changer l'état des choses. Mais comme elles doivent rester comme elles sont, à quoi bon disputer ? Non pas que les torts soient du côté du capitaine. Oh, je lui rends justice en cela. Toute la faute est au fils aîné. N'y a-t-il pas une jeune femme au château ? Reprit l'étranger après un moment de silence. J'oublie son nom. Adélaïde Erol, répondit l'autre avec la même froideur de ton et de manière. Quoique cependant, il levait les yeux sur son interlocuteur et l'examina attentivement. Une farouche fille d'Écosse. C'est ainsi que vous auriez pu l'entendre nommer. Car c'est le titre que lui donne Danechild. Je l'ai entendu appeler un ange, répliqua le marin, rien de moins. Alors, répondit l'autre en fixant des yeux ardents sur l'étranger, comme s'il voulût lire au plus profond de son âme, si vous avez entendu dire cela, ce ne peut être que par Henry Dane, j'en parierai ma tête. Par William Dane. William, Harry, c'est le même. Nous l'appelons Harry, ici. Le vieux père d'Angleterre préfère ce nom-là. Milady aussi, et ils l'ont rarement appelé autrement. Le fils aîné se nomme Geoffrey. Je me souviens, il... Jamais l'héritier des Dane ne s'est appelé d'autre nom. Encore une de leurs superstitions. Vraiment, William Dane ne doit-il pas épouser Adélaïde Erol ? On le dit. Le capitaine, en vrai galant fils de Mars qu'il est, ou qu'il était, a déployé ses ailes pour atteindre le ciel pur de ses fascinations. Il... Si vous parlez d'une façon plus compréhensible, monsieur... s'écria l'étranger, un peu brusquement. Le jeune homme le regarda longtemps sans répondre. Il dit enfin « Vous ne me comprenez pas. Je ne parle pas allemand, cependant. Vous faites de la poésie, et c'est un langage que je n'ai jamais pu comprendre. Le capitaine Dane doit-il ou ne doit-il pas épouser cette jeune fille ? Quel homme difficile à contenter vous me paraissez être ? Reprit l'autre en souriant. Ne vous ai-je pas dit que le bruit de son prochain mariage était généralement répandu ? Le capitaine Harry adore la terre même qu'il foule de ses pieds mignons. Vous allez me dire encore que c'est de la poésie, mais c'est surtout un fait. Et elle ? Le jeune homme eut un mouvement des lèvres qui indiquait suffisamment que ce n'était pas là ses affaires. Comment le saurais-je ? Est-ce qu'on peut répondre des femmes ? Peut-être aussi ne l'aime-t-elle pas. Mais Lady Dane fait tous ses efforts pour la persuader que l'honorable William Henry, quoique destiné à une vie modeste, n'est pas un mauvais parti pour une fille sans fortune. « Mais William Dane est riche, » fit l'étranger. « Je me contenterai de la dixième partie de sa fortune. Il existe dans la famille Dane des arrangements par lesquels les cadets entrent en possession de leurs biens aussitôt leur majorité. Et Harry, qui réunit en sa personne tous les cadets, puisqu'il est seul, jouit de sa fortune 50 000 livres sterling. Il a de plus une autre somme de 50 000 livres, davantage même, car elle s'est accumulée pendant quelques années, que lui a laissé son oncle William Henry Burner. Ce brave capitaine n'a pas ici l'occasion de dépenser la moitié de ses revenus. En ce moment, en visite au château, il passe son temps à ne rien faire. Pense-t-il rester longtemps au château ? Adressez-vous pour la réponse à Adélaïde Erol. Quand il est arrivé, il a prétendu ne devoir y demeurer qu'une semaine ou deux. Vous voulez dire qu'il est revenu des États-Unis ? Oui. Et qui diable a pu le retenir si longtemps en Amérique ? Ça a toujours été un mystère pour moi. On dirait qu'il a passé dans la peau d'un Yankee. À son arrivée au château, il a déclaré ne devoir y rester qu'une semaine ou deux. Et il y a de cela 6 mois. Et il y est encore, enchaîné par sa passion insensée pour elle. Mais ce ne sont pas mes affaires. Un jour, il a parlé d'acheter de nouveau un grade dans l'armée. Pour ma part, je ne m'explique pas pourquoi il a vendu celui qu'il possédait. Pourquoi appelez-vous son amour pour cette jeune fille une passion insensée ? Le jeune homme tira son canif de sa poche et se mit à gratter nonchalamment une tache sur la ligne. Des expressions inconsidérées nous échappent quelquefois, vous savez, sans que nous y attachions d'importance. Je vous demande pardon. N'est-ce pas la famille Lane qui vient de ce côté ? Le jeune homme tourna la tête. Quelques personnes étaient apparues sur la pelouse, près des ruines de la chapelle, escortant une petite voiture de malade où était détendu un beau vieillard à cheveux blancs. La voiture était poussée par un domestique à la livrée des Dane. Gilet et culotte courte en velours pourpre, habit blanc galonné d'argent. Une vieille lady, grande, de tournure élégante, l'accompagnait. Derrière, venait un homme d'une quarantaine d'années, d'une taille au-dessus de la moyenne, svelte, aux traits nobles et réguliers. Une charmante jeune fille de 19 ans marchait à côté de lui, gambadait pour mieux dire, car elle était tantôt devant et tantôt derrière lui, babillant, coquettant, déployant, suivant sa louable habitude, toutes ses agaceries et tous ses charmes. Elle avait un teint admirable, des yeux bleus et une profusion de cheveux blonds. Charmante créature, en vérité, quoique ses traits ne fussent pas irréprochables, et que ses yeux rosassent trop de côté et d'autre pour être le reflet d'un cœur pur. Un autre domestique, dans la même livrée, fermait la marche. « Vous ne vous trompez pas, c'est la famille Dane. On fait faire à Milord sa promenade du matin. » Les deux domestiques se relayent pour pousser la petite voiture. « Est-ce que Lord Dane est infirme ?»« Infirme ? » ?»« J'espère pour vous et pour moi que nous ne sommes jamais dans une position semblable. » Lord Dane a fait une terrible chute de cheval l'automne dernier en chassant, et il est paralysé des jambes depuis cette époque. Il ne guérira jamais, à ce qu'affirment les médecins. Son état ne peut qu'empirer. « Et maintenant, monsieur le marin, permettez-moi de vous souhaiter le bonjour. »« Je vous remercie de votre politesse à répondre à toutes mes questions, » dit le marin. « Monsieur, » répliqua le jeune homme d'un ton circonspect et en se retournant pour parler, « je ne vous ai rien dit, que n'eût pu vous dire tout homme, femme ou enfant vivant sur les domaines de Lord Dane. Les habitudes et la politique de la famille sont connues de tous. » Il sauta à terre d'un air nonchalant et s'éloigna. Le marin suivait des yeux le groupe dans l'éloignement. Il ne lui fut pas difficile de deviner que la grande vieille lady était Lady Dane, la jeune et charmante demoiselle Adelaide Errol. Quant au capitaine Dane, il le connaissait. À ce moment, une autre personne s'approchait, venant du village et remontant la grande route. C'était un homme brun, petit et trapu, tout habillé de noir comme un intendant. Le marin fit quelques pas au-devant de lui sur la route et l'accosta. « Pouvez-vous me dire qui est ce gentleman ? » demanda-t-il en indiquant l'individu à la ligne. « C'est M. Herbert Dane. »« Pas le fils de Lord Dane, » s'écria l'autre, assez embarrassé. « Ah, grand Dieu, non. C'est seulement un de ses parents. »« Voilà le fils de Lord Dane, l'honorable capitaine Dane, » continua-t-il en indiquant du doigt le groupe éloigné. Il allait continuer son chemin quand le marin l'arrêta. « Ravensbird, je crois, sur ma parole, que vous ne vous souvenez plus de moi. » L'homme se retourna, regarda fixement et porta avec respect la main à son chapeau. « Le colonel Mountain. En vérité, sœur, je vous fais mes excuses. Je n'avais pas fait attention à vous. Je regardais la famille là-bas. Nous avons si souvent dans ces parages des marins étrangers que je vous ai pris pour l'un d'eux. Voulez-vous dire à votre maître que je suis ici, Ravensbird ? Attendez, ne me nommez pas devant eux tous. Je n'ai pas le temps de faire visite au château. » « Dites seulement au capitaine qu'un gentleman étranger désire lui parler. » Le domestique salua de nouveau et s'empressa de rejoindre ses maîtres. Herbert Dane était déjà avec eux. Ils entraient en ce moment dans le château. Ravensbird dit un mot au capitaine Dane, dont il était le valet de chambre. « Un gentleman me demande. »« Quel gentleman, Ravensbird, où est-il ? » ?»« En bas de la route, sœur. Il désire vous voir en particulier. » Le capitaine Dane parut ennuyé et remint sur ses pas avec impatience. Cette charmante fille qui marchait à ses côtés était plus pour lui que tous les gentlemen du monde. Elle le regardait s'éloigner, puis, s'adressant au domestique, « Qui est-ce, Ravensbird ?»« Un étranger, milady. » »« Et un Yankee, » ajouta Herbert Dane. « Il n'y a pas à s'y tromper, l'accent y est. » Ils étaient en ce moment sous la voûte de la grande porte du château. La jeune femme prit le bras de Herbert Dane et continua son chemin, pendant que les serviteurs s'occupaient à faire descendre Lord Dane de sa voiture. Herbert raconta à Adélaïde les questions et la curiosité de l'étranger, et tous deux se mirent à rire. Les détails donnés par Herbert Dane sur sa famille étaient parfaitement corrects et connus du monde entier, ainsi qu'il en avait fait l'observation, c'est-à-dire du monde entier à Danechild. Lord et Lady Dane n'avaient que deux fils, pas d'autres enfants, et ces deux fils n'avaient ni l'un ni l'autre, étaient pour eux une grande consolation. L'héritier, Geoffrey, était un prodigue, presque toujours en voyage, et qui, lorsqu'il fixait par hasard sa résidence au château, se rendait insupportable par son caractère. Il était cependant le benjamin de son père et de sa mère, qui lui pardonnait tous ses excès. Pourtant, vit à son jeune frère, à cause de sa popularité, de sa bonne tournure, et par-dessus tout de sa grande fortune, beaucoup plus considérable que la sienne, car Lord Dane avait de grosses charges et ne pouvait lui assurer qu'un revenu insuffisant et peu en rapport avec ses goûts de dépenses, son cœur s'était petit à petit rempli d'une sourde haine. La guerre avait enfin éclaté entre les deux frères. Il ne semblait pas devoir cesser de sitôt. Le premier assaillant fut sans doute Geoffrey, qui insulta Harry et le traita avec le dernier mépris. Harry n'était pas d'un caractère à ne pas ressentir vivement l'injure. Il répondit sur le même ton. Du reste, au fond du cœur, il souffrait de l'amour et des préférences qu'on prodiguait à son frère. Quand le capitaine Dane eut 23 ans, il accompagna son régiment au Canada. Après plusieurs années de séjour en Amérique, il revint dans sa famille, blessé et impotent, et vendit sa commission dans l'armée. Après être resté un an à peu près au château, sa santé rétablie, il repartit pour l'Amérique et depuis cette époque vécut presque toujours dans le Nouveau Monde, ne faisant que de rares apparitions en Angleterre. En ce moment, son séjour dans sa famille paraissait devoir se prolonger. Il était devenu amoureux de Lady Adélaïde Hérole. Il lui parlait déjà de mariage et manifestait follement son intention de l'emmener, après la cérémonie, en Amérique pour la présenter à ses amis, puis de revenir s'établir définitivement en Angleterre. Herbert Dane n'exagérait rien en disant que le capitaine adorait la terre même qu'elle foulait des pieds. Le seul plaisir de sa vie semblait être maintenant de se trouver avec celle qu'il aimait. Il l'avait prise pour confidente des douleurs de sa vie passée et il mettait en elle l'espoir de son bonheur futur. Et la Lady Adélaïde ? Lady Adélaïde était l'une des plus franches et des plus hardies coquettes qui aient jamais fait perdre la tête à un homme. Sans mauvaise pensée après tout, mais absolument sans cœur. En la jugeant sur les apparences, on pouvait la croire douce et charmante. On se trompait du tout au tout. Peu de filles étaient aussi foncièrement égoïstes, quoique peut-être elle n'eût pas conscience de cet égoïsme. Elle était arrivée au château de Dane 2 ans auparavant. Fille du comte de Hergdale, un père écossais très pauvre, Adélaïde Hérole, après la mort de sa mère, sœur de Lady Dane, s'était trouvée sans asile. La maison de son frère, le jeune comte, extravagant et dissolu, était une retraite peu convenable pour une jeune fille, et Lady Dane avait fait venir sa nièce à Danechild, où elle arriva accompagnée de sa femme de chambre française et où, depuis lors, elle n'avait pas cessé de faire tourner la tête à tous les châtelains des environs. Le capitaine Dane marcha vivement à la rencontre de l'étranger. Le colonel Monckton était un Américain avec lequel Harry avait été intimement lié. Ils étaient en correspondance, et les lettres du capitaine Dane avaient parlé longuement au colonel d'Adélaïde Hérole. Rien ne saurait peindre l'étonnement de Harry Dane en apercevant son ami qu'il croyait à New York. « D'où diable sortez-vous » s'écria-t-il. « Venez-vous faire un tour dans les entrailles de la terre et avez-vous atterri dans nos parages ?» Le colonel Monckton se mit à rire. « J'ai cédé à la tentation d'acheter un yacht, et j'ai éprouvé le besoin de l'essayer, comme fait un enfant d'un joujou nouveau. » Le vent était propice et nous a poussés jusqu'en Angleterre. Nous avons abordé à Plymouth, c'est là. Et de là, vous vous êtes mis en route pour Danechild, comme un brave garçon que vous êtes. On m'a dit, il y a une heure, qu'un grand bâtiment construit en yacht venait d'entrer dans la baie, sous pavillon américain, mais le diable m'emporte si je pensais à vous. Je me préparais à aller jusqu'à la falaise pour le voir. J'ai toujours la passion de la navigation, vous savez. Je voulais dire, quand vous m'avez interrompu, continua gravement l'Américain, qu'en arrivant à Plymouth, j'ai trouvé des lettres apportées par la dernière malle. Dane, ce sont des lettres de rappel. Ma femme est tombée subitement malade, et nous retournons là-bas avec toute la vitesse possible. Mais vous resterez un peu de temps avec moi, un jour ou deux au moins. Impossible, parole d'honneur. Pardonnez-moi, ce semblant d'impolitesse, Dane. Le yacht ayant passé devant chez vous, je n'ai pas voulu continuer la route sans chercher à vous serrer la main, mais... Alors vous n'êtes pas venu exprès ? S'écria le capitaine d'un ton de reproche. Le commandant du yacht n'a pu faire autrement. Nous eûmes sur une espèce d'abordage avec un imbécile de bateau, et il en est résulté quelques avaries. Oh, rien de grave ! Tout sera réparé dans quelques heures. Venez voir le yacht avec moi. Venez d'abord au château que je vous présente à ma famille. Cet après-midi, bien volontiers, répondit l'Américain en prenant son ami par le bras et en l'entraînant vers le village derrière lequel était située la baie. Vous avez toujours Ravensburg avec vous, à ce que j'ai vu ? Oh oui, c'est un des meubles de la maison. On ne l'aime pas au château, il est trop indépendant, mais il me convient. Je suis habitué à lui, et puis il a toute ma confiance. Quelle est cette charmante personne qui vous accompagnait tout à l'heure ? Le capitaine rougit comme une jeune fille. Adélaïde Errol. Je m'en doutais. Et à quand le mariage ? C'est ce qu'il est impossible de savoir avec certitude, dit le capitaine en souriant. C'est une petite beauté capricieuse. Aussi capricieuse que votre yacht, Monton. Et elle me mène absolument à la baguette. Ce sera pour un jour quelconque de cette année. Et vous ne reviendrez jamais en Amérique ? Une fois encore. Elle m'accompagnera, je l'espère. Il me faut prendre des arrangements, vous savez, pour avoir mon... À ce moment, Herbert Dane les rejoignit, tenant toujours sa ligne de pêche à la main. Il marcha à côté d'eux en leur adressant quelques paroles insignifiantes. Mais le capitaine Dane ne parut pas disposé à lui donner la réplique, et ne le présenta même pas à son ami. De sorte que Herbert Dane quitta la partie et continua seul son chemin. « Ce gentleman est un de vos parents, je crois ?» observa le colonel Manton. « Un cousin ?» Son père était l'honorable Herbert Dane, frère de Lord Dane. Mais l'honorable Herbert gaspilla sa fortune et laissa son fils et sa fille presque aussi pauvres que Job. Si Miss Dane n'avait pas un petit revenu inaliénable, il n'aurait certainement pas de quoi vivre. Je ne pense pas du reste que ce soit de grandes conséquences pour Herbert, car il a les mêmes goûts dissipateurs que son père. Et il se serait inévitablement ruiné lui-même si son père n'avait pas pris les devants. Une mine d'or, quelle qu'en soit la profondeur, serait bientôt épuisée si on lui en laissait la disposition. Est-ce qu'il demeure au château ? Certainement non. Je vous montrerai tout à l'heure où il gîte. Le pire, c'est que son père ne l'a pas mis en état de suivre une profession quelconque. L'église, le barreau, les services civils sont autant de carrières ouvertes pour un fils de famille pauvre. L'armée est d'un accès plus difficile, j'en conviens, car on ne peut s'y maintenir qu'avec une certaine fortune personnelle. Je plains Herbert. Après tout, quoique je ne l'aime pas. Le capitaine avait, tout en parlant, tourné à droite dans une ruelle qui aboutissait à 3 ou 4 maisons. Il s'arrêta devant l'une d'elles, petite, basse, couverte de lierre. C'était une jolie habitation, un peu plus qu'un cottage, ornée devant sa façade d'une petite pelouse verdoyante et de quelques corbeilles de fleurs sans prétention. Voilà sa maison. C'est là que végète Herbert, ne faisant pas autre chose sur cette terre que de pêcher de temps à autre et de chasser de loin en loin. La maison lui appartient, il vit avec sa sœur, une fille ridicule et frivole, qui se croit une perfection. Elle possède un revenu de 300 livres. Herbert, de son côté, en a à peu près 100. De sorte que... La suite des révélations du capitaine Dane se trouva tout à coup interrompue. Une jeune femme, aux joues cramoisies, coiffée d'une profusion de petites boucles de cheveux, sortit du jardinet, ouvrit avec fracas la grille et saisit le bras de son cousin. Elle était vêtue d'une robe légère et avait tout à fait les manières d'une enfant. « Oh Harry, je suis si contente de vous voir. Je pars cet après-midi, vous savez, pour une semaine ou deux. Vous m'aviez promis de venir hier soir pour me dire adieu. Cela m'a été impossible, Cecilia. Colonel Monton, Miss Dane. » Miss Dane fit la révérence, sourit niaisement, rougit, et porta ses mains à ses boucles. Elle avait l'air tout honteux en présence de cet étranger. Le capitaine Dane n'avait pas de temps à perdre ce jour-là dans sa société. Il lui souhaita bon voyage et s'éloigna rapidement, accompagné du colonel. « Pauvre Cecilia, » dit-il en riant. « C'est un brave petit cœur, mais il n'a pas précisément beaucoup de cervelle. » Ils traversèrent la ville et arrivèrent à la petite baie, si peu profonde que les grands bâtiments ne pouvaient y aborder, où le yacht était à l'ancre. Pendant ce temps, M. Ravensburg était entré au château et s'était empressé de mettre à la recherche de celle qui régnait sur son cœur, de la femme de chambre française de Lady Adélaïde, Mademoiselle Sophie Collot. Ravensbourne était un homme très brun, au teint blême, à l'air sévère, fort laid à première vue, mais néanmoins d'une expression du visage si honnête et si bonne, avec des yeux noirs si doux et si pénétrants, qu'on s'habituait à sa laideur. Le château ne comprenait rien à l'attraction que Richard Ravensbourne exerçait sur la charmante Sophie. Mais souvent les hommes laids sont les plus aimés des femmes, personne ne l'ignore. Ravensbourne revenait du village où Sophie l'avait envoyé en commission, ce dont elle usait et abusait à son égard. « Voilà votre commission faite, mademoiselle Sophie, » dit-il en posant sur la table un petit paquet. « J'espère que vous en serez satisfaite. » Sophie déplia le paquet et en examina le contenu. 3 ou 4 mètres de ruban. Sophie était une jeune personne proprette, tirée à 4 épingles, très élégante dans ses vêtements simples, les traits provoquants, les yeux gris foncés. Sa tête et ses cheveux auraient fait fortune à l'étalage d'un coiffeur. Elle frappa du pied avec impatience en voyant les rubans. « Si j'ai jamais rien vu de pareil !» s'écria-t-elle. Elle parlait anglais avec une grande facilité, quoique avec un fort accent étranger. « Je vous prie de m'acheter 4 mètres de ruban bleu et vous me les apportez rouges. Je vous l'ai déjà dit 50 et 50 fois, vous n'avez pas le sentiment des couleurs. » Ravensbourne se mit à rire. Les reproches de Mademoiselle Sophie lui étaient plus doux à entendre que les éloges de qui que ce fût. Mademoiselle Sophie ne l'ignorait pas et agissait en conséquence. « J'ai fait de mon mieux, Sophie. Ça ne peut-il pas convenir ? Convenir, il le faut bien. Si je vous en envoyais chercher d'autres, vous en rapporteriez de gris. Mais c'est bien la dernière fois que je vous charge de m'acheter des rubans. Vous pouvez en être sûr, par exemple. Vous m'aviez chargé, Sophie, et après ? Est-ce que je pouvais m'attendre à vous voir plus stupide qu'une oie ? Allons, passez-moi ma boîte à ouvrage, monsieur. Elle est sur la table. » Qui était cet officier de marine avec qui vous causiez près de la barrière ? « Comment savez-vous que j'ai causé avec quelqu'un, Sophie ?» dit Ravensbourne en donnant la boîte. « J'étais à la fenêtre de la tourelle, dans la chambre de Milady Adélaïde. J'attendais mes rubans. »« Ah, il prend ses aises, me suis-je dit. Il s'arrête là, à causer, sans se préoccuper de moi. Qui était-ce ? Un ami du capitaine, un gentleman que nous avons connu en Amérique. De quoi vous parlait-il ? » demanda Sophie avec l'insatiable curiosité de sa nation et de son sexe. « Il ne m'a pas dit grand-chose, Sophie, » répondit Ravensbourne, qui généralement prenait autant de plaisir à répondre à toutes ces questions qu'on en prend à répondre à celles d'un gentil et aimable enfant. « Il m'a demandé principalement si Herbert Dane était le fils de Milord. « Ah, s'il était le fils de Milord, les choses iraient un peu plus agréablement. « Quelle chose ? Quelle chose ?» répéta Sophie ironiquement. « Il y a longtemps que je me le dis à part moi. Vous et votre maître, vous êtes les seuls à ne rien voir au château, excepté, peut-être, Lord Dane. Vous vous imaginez que ma maîtresse est amoureuse de votre maître. Il le croit, lui aussi, Bast. Qu'est-ce qui se passe donc maintenant ? S'écria Ravensbourne après un moment d'étonnement. Rien de plus que ce qui s'est toujours passé, répondit Sophie d'un ton tranquille. Vous auriez pu vous en apercevoir si vous aviez regardé. Ma jeune maîtresse est une coquette. De plus, elle est orgueilleuse. Elle aime être admirée, quel que soit l'admirateur. Que ce soit le capitaine Dane ou M. Dane. Mais dans un coin de son cœur, l'un des deux lui est plus cher que l'autre. Il en est ainsi depuis longtemps déjà. Avant même que votre maître rentrât au château et mit tout sens dessus dessous en se posant en prétendant. « Qu'est-ce que vous voulez dire ? » s'écria Ravensbourne. « Je veux dire qu'il s'aime, voilà tout, M. Ravensbourne. Qu'est-ce que vous avez à me regarder de cet air effaré ? Faites-vous allusion à Herbert Dane ? Sophie fit un signe de tête en coupant de ses dents un fil de coton. « Ils s'aiment tous les deux à la folie. Alors, s'il en est ainsi, comment ose-t-elle tromper mon maître par tous ses faux sourires ?» s'écria Ravensbourne, pâle d'indignation. « Elle le fait exprès. » Vers l'époque de l'arrivée de votre maître, Milady Dane commença à se douter de cet amour-là et eut une explication avec Lady Adélaïde, qui fut saisie d'une telle peur d'être éloignée du château ou séparée de toute autre façon de son amoureux, que lorsque le capitaine Dane se présenta avec ses offres brillantes, elle fit semblant de les accepter, pour donner le change à Lady Dane. Elle a l'air de bien accueillir son amour, mais c'est seulement dans le but de cacher la vérité. Quant à se marier au capitaine, c'est une autre affaire. Mais avis que nous attendrons longtemps ce jour-là. Richard Ravensbourne, appuyé contre la table, avait l'air d'un homme auquel on vient de révéler quelque hideux complot, quelque horrible conspiration. Si la machine infernale de Fieschi eût été pointée sur sa tête, il ne se serait pas cru en plus grand danger qu'en ce moment. Tout en regardant Sophie avec des yeux égarés, une foule de petits faits, jusqu'alors inexplicables pour lui, lui apparaissait maintenant clair comme la lumière du jour. Que de fois n'avait-il pas vu Lady Adelaide se promener avec Herbert Dane? Que de fois n'avait-il pas été témoin de ses prétextes et de ses ruses pour éviter son maître? Il s'en souvenait maintenant, et dire qu'il avait mis tout cela sur le compte de la coquetterie inhérente à la nature des femmes. « Est-ce qu'ils se rencontrent en secret ? » demanda-t-il. « Quand ils peuvent et où ils peuvent. De temps en temps, quand la soirée est belle, elle sort sous prétexte d'une petite promenade et le rejoint. Mais Lady s'endort régulièrement après dîner dans le salon. Milord garde auprès de lui le capitaine Dane à table. Alors elle s'enveloppe de son grand châle gris, met son capuchon sur sa tête et file sans bruit. Monsieur Herbert est aux aguets. Ils vont ensemble faire un tour de promenade jusque sur les hauteurs, aux ruines de la chapelle, et reviennent. Elle n'ose pas rester trop longtemps hors du château, de peur qu'on ne s'aperçoive de son absence. « Quelle perfidie ! Ah, le serpent !» murmura Ravensbird, au comble de l'étonnement et de l'indignation. « Ah, Sophie, c'est une infamie, cette conduite-là. Ce n'est pas digne d'une femme comme il faut, ce n'est pas respectable. »« Ce n'est pas quoi ? » s'écria Sophie. « Ce n'est pas quoi ? Non, ça ne l'est pas !» persista Ravensbird. « C'est indigne d'une lady comme elle. Elle est fiancée à mon maître, le capitaine Dane, et elle va, un capuchon sur la tête, aller rendez-vous avec un autre. En tout cas, ce n'est pas convenable. »« C'est vous qui devriez vous cacher la tête dans un capuchon, » s'écria Sophie. « Qu'est-ce que vous me chantez là ? » ?»« Herbert Dane n'est-il pas le neveu de Milord, et court-il aucun danger avec lui ? Ne doit-il pas inspirer confiance ? Et puis, est-ce qu'elle n'a pas aussi confiance en elle-même ? Personne moins qu'elle ne s'exposera jamais à rien de sérieux, soyez tranquille. Elle était cervelée et inconséquente pour les bagatelles, mais pour les choses sérieuses, elle est aussi prudente que vous-même, mon ami. Que craignez-vous pour elle? Que la mer envahisse les falaises et l'engloutisse? Si elle se promenait avec le capitaine Dane ou avec M. Lester, ou avec Milord lui-même, diriez-vous que ce n'est pas respectable? Allons donc. Mais pensez donc quelle trahison! S'écria Ravensbird. « Mon maître est honorable, sans défiance, franc et sincère. Je dois l'avertir de ce qui se passe. C'est une indigne trahison, je vous le répète, Sophie. Si personne n'ouvre les yeux du capitaine, je le ferai moi. »« Mon ami, » interrompit sentencieusement Sophie, « écoutez mon conseil et suivez-le car il est bon. Ne vous mêlez pas des affaires des autres. Les 10 heures de vérité désagréables ne reçoivent jamais de remerciements. Laissez les choses suivre leur cours. » Quand le capitaine deviendra pressant pour la fixation du mariage, et ça ne tardera pas, il faudra bien qu'elle s'explique, et ce sera le mieux. Peut-être, après tout, l'épousera-t-elle? Je le ferai, si j'étais à sa place. En tout cas, elle aura à choisir entre ses deux amoureux. Quant à vous, tenez-vous tranquille et n'allez pas vous briser la tête contre un mur. Métaphoriquement parlant, Richard Ravensbird ne faisait pas autre chose en ce moment. De sa vie, il n'avait été aussi agité et aussi indigné. « Herbert Dane » répétait-il avec tout le mépris dont il était capable. « Herbert Dane ! Si j'avais dû la supposer traîtresse à mon maître, j'aurais 1000 fois plutôt supposé qu'elle aimait Squire Lester. » Mademoiselle Sophie Collot leva les yeux sur lui d'un air de pitié. « Ça prouve votre innocence en pareille matière, » dit-elle. « Monsieur Lester a le double de son âge. Que diable voulez-vous qu'elle fasse de Monsieur Lester ? C'est l'homme le plus charmant de Danesheld. » Et elle écoute ses galanteries et ses fadaises, et il ne lui déplaît pas d'en faire son esclave. Si vous, Ravensbird, vous étiez un gentleman, elle écarterait les coudes pour vous tenir à distance, parce que vous êtes trop laid. Elle sera la bienvenue. Richard Ravensbird ressentait trop vivement la duplicité dont son maître était victime, pour prêter attention au sarcasme dont Sophie le gratifiait. Profondément attaché au capitaine Dane, son unique pensée en ce moment était de choisir le meilleur moyen de traiter Lady Adelaide suivant ses mérites. Son irritation devenait de plus en plus profonde, chose rare chez le flegmatique Richard Ravensbird. Mais sa nature était susceptible à l'occasion d'accès de colère féroce, et en cela il ressemblait tout à fait à son maître, le capitaine Dane.